miss me, do you? Cool. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thierry Gallet, j'enregistre la saga des Fab Four numéro 484C, c'est pour couvre-feu, c'est le home recording numéro 25, et cette diffusion sera faite sur l'antenne de RIG 90.7 le 17 février 2021, soit un poil après le 14, qui est dimanche prochain en ce qui me concerne, au moment où je l'enregistre. Et donc, la Saint-Valentin. Et je vous ai demandé, pour une fois, de choisir les chansons et de le dédier à qui vous voulez. Évidemment, comme je suis en train de l'enregistrer, c'est trop tard si vous y pensiez là, soudain, si vous aviez envie de dédier une chanson. Eh bien, c'est trop tard. Ah, fallait. Tiens, mais pendant que j'y suis, je vous offre un scoop. Parce que, justement, je ne vais pas vous donner les chansons. En principe, si vous vous en souvenez, vous me les avez données. La 484C, donc, c'est la saga Love. La 485C, que je prépare déjà, ce sera Imagine, l'album de la semaine. Et la 486C, que je prépare aussi, ce sera un spécial Harrison, parce que on arrivera sur le début mars, alors qu'il aurait fallu que j'intervertisse les sagas, mais je ne vais pas le faire, parce que j'ai décidé que ce sera comme ça. Et donc voilà, tout est prêt, trois sagas sont prêtes. Combien vais-je en enregistrer aujourd'hui? Je ne sais pas. Une sûre, oui, une sûre. Deux, peut-être. Trois, ça va faire beaucoup quand même. Hein. Bon, en tout cas, vous me retrouvez sur, et vous nous retrouvez sur le groupe Facebook de l'émission, le groupe La Saga des Fab Four. Et on commente sur le topic qui est tout en haut. On commente, on met les pochettes d'édition si on veut, on dit celui-là j'aime bien, celle-là j'aime pas. On dit, est-ce qu'un jour tu passeras du Yoko Ono Thierry? Auquel cas je vous réponds de suite, c'est non, jamais. Et, et puis voilà, allez, puisque le générique se termine, je le vois à mes vues maîtres, je vous donne la première chanson. La première chanson, c'est Woman. Et si vous le voulez bien, comme à chaque fois, je vais la dédier à Alexandra Pouliagou. Puisse-t-elle entendre un de ces jours cette chanson-là, ça lui rappellerait des trucs. La saga des Fab Four, c'est parti jusqu'à 22h à peu près. puisque cette saga, c'est une saga d'amour, je vais faire quelque chose d'exceptionnel et qui est plutôt triste, mais c'est comme ça. Je dédie l'intégralité de cette émission à Annie, qui est partie en haut, là-bas. En tout cas, c'était il y a quelques jours. Et comme je l'ai connue pendant 41 ans et que c'était la mère de mon meilleur ami, j'ai une grosse, grosse pensée pour elle. Voilà, je dédie l'intégralité de cette émission à toi, Annie. Ça arrive à tout le monde. J'aimerais bien que ça m'arrive, ça me ferait du bien. C'est George Harrison en 1979 sur RG, oui. We wasted time and again on things, things we already knew. On to do, I give my love to you. Whenever you get some time, whenever you get some time, I'd like to roll it all up in a ball and spend it with you. You've got the power of love, and love has the power to make it come true. We can go through our love. C'est dingue de penser que cette chanson et l'album en entier, d'ailleurs l'album Pipes of Peace, aura 40 ans. L'album et la chanson auront 40 ans, si vous voulez, dans 2 ans. C'est donc tout près, 38 ans déjà, que c'est sorti ça. Oh là là là là là là, ça nous rajeunit pas. Et oui, l'année d'après, d'ailleurs, en 84, je créais la saga des Fab Four. Allez, on reste avec Out the Blue sur l'album. Alors là, je l'ai choisi sur l'album Give Me Some Truth, qui est la version deluxe, qui est la manière d'avoir le son le plus riche, si vous voulez. Mais évidemment, vous savez que c'est extrait de l'album Mind Games en 1973 de John Lennon. La voici. Suivra Oh My Love, toujours par John Lennon. Amour, amour, amour. We'll be right back.

C'est lu par des milliers de fans à travers le monde et vous avez toute l'actualité des Beatles, y compris celle de Paul et de Ringo. Bref, toute l'actualité, c'est sur BeatlesMagazine.com, 24h sur 24, 7 jours sur 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 même 8 jours, 8 days a week. C'est la saga, c'est la saga. Dès le début, on sait, All You Need Is Love, ce sont les Beatles, c'est sur RIG 90.7. You can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. Fort d'entre vous auront reconnu à l'oreille qu'il ne s'agit pas de la version de Magical Mystery Tour, mais de la version de Yellow Submarine Soundtrack, sortie en 1999. Il y a quelques petits détails très légers de différents, le son est plus clair parce que c'était des remixes, etc. etc., etc. Et il y avait aussi une dédicace attachée à cette chanson-là, c'était à ceux pour qui l'amour est important. Je pense donc que je suis dans l'eau et je pense que 99,5% des gens normaux et intelligents peuvent considérer que cette dédicace les concerne. Voilà. Les autres, ils ne sont pas normaux, ils ne sont pas intelligents. Allez, on continue avec Your Loving Flame, Monsieur Paul McCartney, en 2001 sur l'album Driving Rain. c'est la saga des Fab Four spéciale Love. Bisous, bisous, bisous, bisous. C'est le 14 février, un petit retard. How can I hope to reach your love? Help me to discover what it is you're thinking of. 'Cause when we kiss, nothing feels the same. I could spend eternity inside. This is George Harrison avec un coup de main sans doute d'Eric Clapton à la guitare, probablement, et surtout avec des batteries, une batterie qui se reconnaît le son des années 80. Effectivement, c'est extrait de l'album Cloud Nine en 1987. Et c'est aussi avec le concours d'un certain Jeff Lynne, un copain de George Harrison. Oui, mais il lui a pas piqué sa femme, lui. Ah, quand même, ça arrive. Vous êtes bien sur RIG 90.7, www.rigfm.fr. C'est la saga des Fab Four numéro 484. C'est pour couvre-feu. Et c'est le Home Recording 25. L'album de la semaine, il n'y en a pas. C'est un spécial love. Puisque nous sommes proches du 14 février, on sera exactement même le 17 février, si vous regardez vos agendas, au moment où vous écoutez cette émission sur RIG. Et ben voilà, c'est la saga des Fab Four, et on est ensemble jusqu'à 22h à peu près. Je vous propose Here, There and Everywhere, et juste derrière Real Love. Les Beatles partent deux fois, mais pas au même moment. To lead a better life, I need my love to be here. Making each day of the year, changing my life with a wave of her hand. Nobody can deny that there's something there, running my hands through her hair, both of us thinking how good it can be. Someone is speaking, but she doesn't know he's there. I want her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to need her. Watching her eyes and hoping I'm always there. I need her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. If the lover is to need her everywhere, knowing that love is to share. Alors que j'enregistre plus d'une semaine avant la diffusion de cette émission, je vous ai vu bondir sur votre clavier et me dire sur Facebook « Mais Thierry, ça n'est pas la version de Revolver, non, c'est la version de du single Real Love, sorti en 1996. » Yeah. Qu'est-ce que j'aime cette chanson? Et ma préférée, c'est Free as a Bird. Ouais. C'est vous qui avez fait l'émission cette semaine, puisque je vous l'ai demandé. Je vous ai demandé de faire une sorte d'émission avec 3 jours de retard de... Comment on appelle ça? Oui, la Saint-Valentin. Voilà. Et donc, je vous ai proposé de proposer vos chansons d'amour, et éventuellement de le dédicacer. Peu l'ont fait, mais vous avez au moins demandé vos chansons. En voici une qui, je pense, a été demandée par Jean-Philippe. C'est « The Answers at the End ». George Harrison, qui sera là par 2 fois. Avec cette chanson, extrait de « Extra Texture, Read All About It ». Et ensuite « Learning How to Love You » sur l'album « 33 and One Third ». RG 90.7, la radio des Beatles. A friend with a microscopic glass. You know his faults, now let his foibles pass. Life is one long, and ignore my friend. So read on, read on, the answers at the end. Don't be so hard on the ones that you love. It's the ones that you love with things so belong. Don't be so hard on the ones that you love. It's the ones excels of lousy speech, but what's up in your heart is the hardest thing to reach. A life is one long mystery, my friend. So live on, live on. Chanson d'amour des Beatles. On est d'accord, c'est Love Me Do, sortie en octobre 1962. C'est pour ça que je dis que la saga des Fab Four, c'est entre octobre 1962 et nos jours. Pourquoi ce Love Me Do a une importance considérable dans la carrière des Beatles ? C'est cette chanson qui attire l'attention de George Martin lors de leur première audition dans les studios d'EMI à Abbey Road, le 6 juin 1962. C'est elle que les Beatles imposent à leur nouveau producteur qui souhaitait leur faire interpréter pour leur premier 45 tours une chanson qu'ils n'avaient pas composée, lançant ainsi leur carrière d'auteur-compositeur. C'est elle qui marqua une première percée dans les charts britanniques et qui a fait leur premier passage à la radio, 17e. Et 17e pour une première chanson, c'est plutôt bien quand même. C'est plutôt même très bien. C'est enfin une chanson interprétée par trois batteurs différents. Pete Best, Ringo Starr, tous deux ayant fait partie du groupe, Pete Best avant Ringo Starr, et Andy White, un musicien de studio. Il y a donc trois versions différentes de Love Me Do, même quatre, vous allez comprendre dans quelques instants. Les Beatles enregistrèrent trois versions distinctes de cette chanson, la première avec Pete Best, lors de leur première séance d'enregistrement chez EMI. Ça n'a pas plu à George Martin, il a trouvé que Pete Best n'était pas si extraordinaire que ça à la batterie. La suivante, avec Ringo Starr, devenu le batteur du groupe après le renvoi de Best. Elle apparaît sur le 45 tours original, oui, alors que la version de l'album Please Please Me est avec Andy White. C'est la seule de l'album avec Andy White. Et on va dire qu'il s'est vengé, Ringo Starr, puisque sur l'album Vertical Man, en 1998, il s'est dit Ah ouais, j'étais pas sur Love Me Do dès le début. Eh ben, je vais la chanter. Et là, voici la chanson, la version de Ringo Starr en 1998. My love does it. never say goodbye to my love. It's understood. It's everywhere with my love. Rester dans l'amour avec cette très belle chanson de 1970, Maybe I'm Amazed, Paul McCartney encore. Maybe I'm amazed the way you pulled me out of time. You hung C'est beau. George Harrison sur l'album George Harrison en 1979. La chanson suivante, c'est un peu particulier. C'est de notre part, tous les fans du restaurant Twist & Crepe à Talence, au 329 cours de la Libération. De notre part, à nous les clients, les fans de ce restaurant et fans des Beatles forcément, pour Diane, pour Fabrice, pour également Agathe, pour Madeleine. Et je sais qu'il y a un cuistot avec qui aide Fabrice, mais comme il ne sort pas souvent de la cuisine, je ne connais pas son nom. Donc c'est pour tout le staff de ce restaurant, en espérant que vous allez continuer à nous faire vivre des superbes soirées dès que possible. Il faudrait vraiment que ce soit bientôt bon sang de bois. On remet les musées, mais les musées, on s'en fout. On veut aller au resto, on veut aller au ciné. Voilà, allez. Twist and Shout, c'est pour Diane et Fabrice. You got me going. to know, 'cause here I go again. We'll be right back. 1976, At the Speed of Sound, c'est Paul McCartney, les Wings. Et c'est cette chanson évidente, lorsqu'on parle de chansons d'amour, qu'il y a des gens qui prétendent qu'on crée des stupides chansons d'amour. Bah ouais, et alors quel est le mal ? Voilà, et il en a fait un tube. La chanson suivante, puisque c'est vous qui avez décidé, en très très grande partie, j'ai mis quelques chansons à moi, parce que j'avais envie, mais beaucoup c'est vous. La chanson a été demandée pour Alicia. C'est extrait de l'album Vertical Man, encore, Monsieur Ringo Starr, et donc de 1998. Et le titre du morceau, c'est I'm Yours, surérigé dans la saga des Fab Four, numéro 484. C'est pour couvre-feu. Time is calling, all the lights of London town slowly disappear. So lay your lovely head on down and know that I am here. I'm yours. Moonbeams shine on starlight, lights on all the dreams of everyone. We'll meet up in the sky. So sleep and dream of shooting stars. Take one for a ride. I'm yours. I'm so big, your soul so deep, your forgiving love so strong. So let me say in my own way, you're everything I am. Lovely Rita, the next song coming up is for you, from us to you, in fact. Grow Old With Me, John Lennon, on RIG. Thank you.

fantastique chanson de 1971. Vous le retrouvez sur l'album Wildlife, Dear Friend, qu'on suppose adressé à John Lennon, alors qu'on pourrait éventuellement aussi penser que c'est adressé à n'importe qui. Mais bon, c'est peut-être pour ça que l'année d'après, quand il a composé My Best Friend, le superbe blues, là, etc., il ne l'a pas sorti pendant 30 ans, je ne sais plus, c'était sur les remasterisations récentes là, qu'on a eu le droit à cette chanson-là. Sinon, c'était ce qu'on appelle un pirate que j'avais à l'époque. Et il a dû se dire, un peu comme le coup de Mother Nature's Son et Jealous Guy, vous savez, les chansons se ressemblaient entre John Lennon et Paul McCartney. Et donc là, lui, ayant fait deux chansons sur le même thème, plus ou moins, Dear Friend et My Best Friend, il s'est dit, je ne vais pas sortir l'autre. Il l'avait fait seulement en concert. C'est mon avis, et je pense que je le partage. Donc voilà. Allez, chanson suivante, on continue la saga des Fab Four, votre émission. Donc, oui, attendez. Dear Friend, ça a été demandé pour Sylvain, voilà. Donc ça y est, c'est fait, c'est dédicacé. Et maintenant, une chanson qui est aussi pour sa tendre et aimée, c'était Patty Boyd à l'époque. C'est George Harrison qui la chante avec les Beatles en 1969, Something. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. Name, but it never really matters. reste avec Paul McCartney et sa douce voix du temps des Beatles et All My Loving maintenant dans la saga. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Pretend that I'm kissing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. La chanson suivante est une curiosité dans une émission qui dit ne passer que des chansons d'amour. C'est « Nobody loves you when you're down and out ». Donc personne ne t'aime quand t'es en bas et que t'es complètement à l'ouest, quoi. Si vous voulez, quelque chose comme ça. Seulement, à la fin de la chanson, rappelez-vous, John Lennon dit « Everybody loves you when you're 6 feet in the ground ». Donc tout le monde t'aime quand tu es 6 pieds sous terre. C'est peut-être là qu'il faut voir le truc. 1974 sur Walls and Bridges. Nobody loves you when you're down and out. Nobody sees you when you're on cloud nine. Everybody's hustling for a buck and a dime. I'll scratch your back and you scratch mine. I've been across to the other side. I've shown you everything I got nothing to hide. And still you ask me, do I love you? Probablement la chanson la plus triste de John Lennon une fois séparé des Beatles, mais l'une des plus belles aussi. Vraiment, elle est spéciale, cette chanson-là. Donc, on peut aimer cette chanson sans problème. D'ailleurs, c'est mon cas. J'aime cette chanson-là. Bref, nous allons bientôt arriver à la fin de cette émission et dans une petite vingtaine de minutes, plus ou moins, je crois, vous allez avoir Eric, mais sur un autre enregistrement, mais à la radio quand même, sur RIG, et son Johnny de A à Z. Eric, je vais essayer de finir à l'heure. Je vais essayer, je promets. Alors pour l'instant, voici Promise to You Girl, Paul McCartney, sur Chaos and Creation in the Backyard, en 2005. Looking through the backyard of my life, time to sweep the fallen leaves away. Like the sun that rises every day, we can chase the dark clouds from the sky. I gave my promise to you. C'est bien de vous donner la main de temps en temps parce que vous proposez des chansons auxquelles je ne pense pas toujours. Par exemple, cette chanson-là, bah, il fait drôlement longtemps que je ne l'avais pas écoutée et j'ai pris plaisir à la re-entendre, donc je vous remercie. George Harrison, Never Get Over You, sur l'album Brainwashed en 2002. Après, on se fera un plaisir avec un extrait de Back to the Egg. Never get over you. So deep this feeling I have for you. Your eyes pierce through my heart. Your smile turns me. Here, and you're listening to Widescreen Radio. Shine your light.

my Valentine. L'anniversaire de Valérie, et c'est la dernière chanson de la saga. Des deux heures, j'espère. Allez, dans quelques instants, ce sera Eric, mais sur un autre enregistrement, mais toujours à la radio, sur 90.7 pour RIG ou www.rigfm.fr. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Je vous ai dit que l'album de la semaine, ce sera Imagine. Et puis la fois d'après, l'album de la semaine, ce sera un 100% George Harrison. Tout est prêt, tout est sur le papier. Il ne reste plus qu'à les enregistrer. je ferai ça, promis. À très bientôt. Salut, ciao.